palpitant et ça dure plus longtemps. Madame Crozatier a son petit plâcher. Il est c'est moi qui l'ai lâché. Allez, sans trop presser le mouvement, c'est palpitant et ça dure plus longtemps. Allons doucement, sans trop presser le mouvement, c'est palpitant et ça dure plus longtemps. La la la la. Un côté en bis parté. L'importance. Je sais plus là. Un côté en bis parté. Franchement, c'est magnifique! Ça enregistre ça! Ça ah merde! Eh ben, je vous aime tous! Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est si grande! Elle est si grande! Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est grande! Elle est si grande! Si je vois que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmènera pas! Elle te fera coquille cette salope! Attendons que qu'il y a du sang. s'il est bien tendre. As-tu connu ma manche? Ça c'est ta bonne petite coche. Elle a cassé sa jambe de bois sur les récits de Saint-Éloi. As-tu connu ma manche? Ça c'est ta bonne petite coche. Elle a cassé sa jambe de bois sur les récits de Saint-Éloi. C'est pour quelle maison de disques? Si vous avez de quoi noter, je vous donne l'adresse du site. Bien sûr. Et demain, vous entendrez. C'est...